La chaleur en juillet 1911, article d'actualité de Max de Nansouty paru dans les Annales politiques et littéraires le 30 juillet 1911. Le mois de juillet 1911 nous laissera le souvenir d'une chaleur des plus désagréables, accompagnée d'une sécheresse dont l'agriculture a été ravie. Comme le dit le vieux proverbe, ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Soyons d'accord cependant à constater que ces périodes furent profondément inconfortables, pour employer le terme désormais admis. Que peut-on en dire au point de vue scientifique en interrogeant dans une ardente veille les annuaires météorologiques remplis de tableaux statistiques et de chiffres? Faisons comparaître ce mois de juillet coupable d'excès de température et interrogeons-le sévèrement. Voici comment il établit ses moyens de défense. Tout d'abord, il n'y a pas eu de surprise ni guet-apens. La façon systématique avec laquelle soufflèrent en juin les vents d'est, du nord-est et du nord devait nous faire prévoir que l'on ne pouvait éviter en juillet une grande sécheresse, et cela aux approches de la canicule fixée depuis l'Antiquité vers le 20 juillet et dont les anciens disaient « Bibit ardens canis, le chien céleste est assoiffé ». La sécheresse, associée à un soleil resplendissant, devait aboutir logiquement à une grande élévation de température. Cela n'a pas manqué. Depuis le 2 juillet, date à laquelle on reçut quelques ultimes gouttes de pluie jusqu'au 23 du mois, l'arrosage céleste a été interrompu. Il convient de constater d'ailleurs que la quantité de pluie tombée depuis le 1er janvier 1911 est de 202 mm, alors que la normale, la moyenne, aurait dû être de 303 mm. C'est donc bien la sécheresse. Mais ne nous exclamons pas trop. Au grand courant à base d'est que nous venons de supporter, succédera logiquement un courant d'ouest compensateur. Il faudra bientôt, probablement, consoler les gens de ne pouvoir sortir sans parapluie. Attendons un peu et méfions-nous du virage météorologique. La température de ces jours derniers a été incontestablement excessive. A-t-elle été anormale? Non, car les maxima qui se produisent presque toujours, à Paris du moins, en juillet et en août, varient, de temps immémorial, entre 36,1 et 39 degrés. Nous avons observé 39 degrés récemment lors de l'exposition universelle de 1900. On trouve, à la vérité, des chiffres plus élevés dans les documents historiques, mais ils sont suspects. Pour relever des chiffres météorologiques, il faut beaucoup de conscience et aussi des instruments extrêmement précis, deux choses que ne possédaient pas du tout nos anciens. De là à conclure que notre supplice thermique de ces jours derniers était tout à fait régulier, il y a un abîme. Il n'est pas régulier du tout, vu que les grands coups de chaleur peuvent se produire de juin à juillet et à des dates variables. Le 24 juillet 1870, il y a eu, à Poitiers, d'après ce que nous apprend M. Angot, un maximum de 41,2 degrés. Ce fut une des horreurs de cette affreuse année. Mais on ne revit plus, les années suivantes, cette horrible température qui paraît d'ailleurs avoir été localisée. En thèse générale, une forte chaleur, durant 2 ou 3 jours, se supporte toujours assez allègrement, de même qu'un froid excessif. Où l'ennui et la fatigue commencent, c'est lorsque l'élévation thermique s'obstine et prend, sans motif valable, des allures de fonctionnement climatérique. C'est notre cas en la présente occasion. On supporte bien quelques journées au cours desquelles le baromètre est piqué, et où le thermomètre se tient à 26, 27, 28 degrés. Mais si, après avoir résisté, on est soumis à des journées de 30 à 36 degrés, et à des nuits sans fraîcheur, la fatigue commence réellement. On dort mal, l'appétit disparaît. Il y a vraiment dépression. L'énergie morale a besoin de venir compenser ce que perd, avec prodigalité, l'énergie physique. D'où nous vient cette chaleur? Elle paraît consécutive d'une grande vague de chaleur qui a passé ces temps derniers sur les États-Unis. Mais la vague de chaleur des États-Unis, d'où vient-elle elle-même? Nous croirions assez volontiers aux taches du soleil, qui ont été observés depuis longtemps par notre éminent maître Camille Flammarion et par l'abbé Moreux. Ces savants astronomes nous disent que d'effroyables éruptions volcaniques se sont produites sur le Soleil, sur notre Soleil, car il y en a vraisemblablement une infinité. Lorsque le volcan solaire fait son explosion, c'est un déversement de chaleur, de lumière et surtout d'électricité, d'ions électriques qui enveloppent notre petite planète Terre. L'ion électrique et hypothétique est une lettre de change céleste immédiatement payable à vue en calories, c'est-à-dire en chaleur. Lorsqu'il pleut des ions, il faut ouvrir des parasols et des ombrelles. Mais il n'est pas mauvais de s'assurer aussi de l'état de son parapluie, car ce fulgurant ion est un grand condensateur des vapeurs de l'atmosphère et sous forme d'orages, de tourbillons et de cyclones, il ne tarde jamais à inonder ce qu'il a grillé. Comme conclusion pratique, constatons que, déjà, quelques orages tendent à détendre nos relations surchauffées avec le soleil. Une entente paraît probable, sous la forme d'un mois d'août acceptable et d'un mois de septembre poétique et charmant. Ainsi s'achève « La chaleur en juillet 1911 », article d'actualité paru dans les Annales politiques et littéraires le 30 juillet 1911.